Jusqu'à présent, on n'a pas utilisé le « vous », pluriel de « tu », qui est l'équivalent du tutoiement. Mais lorsqu'on s'adresse à plusieurs personnes. En espagnol, pour tutoyer plusieurs personnes à la fois, on emploie « vosotros » ou « vosotras ». On ne l'a pas employé jusqu'à présent, tout simplement parce qu'il vaut mieux utiliser les vouvoiements quand vous vous adressez à des gens que vous ne connaissez pas. Et donc, utiliser les formes avec « usted » plutôt qu'avec « tú » et celle avec « ustedes » plutôt qu'avec « vosotros ». C'est une simple question de prudence et de politesse. Ceci dit, le tutoiement est très courant en espagnol, surtout en Espagne. Et donc, il vous faut connaître aussi son pluriel, « vosotros » ou « vosotras », ce qui est très simple. Revenons pour cela à la forme avec « nosotros ». Nous. Comment dit-on « nous parlons » ? Hablamos. Hablamos, oui, hablamos. Eh bien, pour la forme avec « vosotros », on part aussi de l'infinitif. La terminaison au présent est « ais hein? ». A, accent aigu, I, S. On y retrouve le A de l'infinitif. Donc, vous, hein, vosotros ou vosotras, parlez, se dira « Hablais ». Hablais, oui, hein, avec A, accent aigu, I, S à la fin. Pour les verbes en R, c'est la même chose. On va retrouver la voyelle de l'infinitif, donc le E de R, et donc la terminaison est un EIS, E accent aigu, I, S. Alors, vous, hein, vosotros ou vosotras, mangez. Coméis. Coméis, hein, avec E accent aigu, I, S. Coméis. Pour les verbes en ir, c'est tout simplement is. Hein, I accent aigu, S. Is. Là encore, on retrouve le I de l'infinitif en ir. Alors, vous, hein, vosotros ou vosotras, venez, se dira. Venis. Venis, hein, c'est ça, avec I accent aigu, S. Venis. Et vous, vosotros, écrivez. Escribis. Escribis, hein, bien. Et vous, vosotros, achetez. Comprais. D'une traite. Comprais. Comprais, oui. Et vous, vosotros, avez. Teng. Quel est le verbe? Tener. Tener, oui. Alors, nous avons, c'est. Tenemos. Tenemos, d'accord. Et alors, vous, vosotros, avez. Tenéis. Tenéis, oui. Hein? C'est comme pour nosotros. On part de l'infinitif. Et vous, vosotros, dites. Decís. Decís, c'est exact. Hein? Et vous, vosotros, faites. Hacéis. C'est ça, hacéis. Vous faites. Donc, maintenant, nous avons toutes les formes.